Et dans ces quartiers sombres, on débarque, j'arte les wacks quand on largue la bombe. Ma troupe elle est dans l'ombre, mes gars sont dans l'ombre. Fais gaffe quand ça plombe, cache-toi sous ta tombe. Dès la première rime, c'est la catastrophe. Voilà ce que mon arme coffre, un paquet de crime à chaque offre. L'irritale Kalashnikov pour les mettre. Sorti de ma poche, mes balles ricochent, elle ne rate pas le coche. Bande de balles trinque, touchez-vous sur le parquet. Le virus va s'installer, on défoncera tout cette année. Pas le temps de blaguer, le patron t'a embarqué dans le rap en tâche.